message d'une grosse tasse. Au moment où je pense à mes soucis, je fais les 100 pas dans la casa. Un peu rabat, j'écris cousine, je bouge les bras. Un peu fou, tu sais, je sais que l'avenir est dark. Comme ton poule pucelle. Taga, taga, zitoun, paki, afghan, coco, PR, commer. On a vendu dans la ville, sous Jack, un pété vénère, Homer. Salam, salam, je vous invite. Banane, banane pour ta bitch. Sur le macadam, on navigue. Test, on vient là où t'as vu. Libérez ça, libérez VIP. Libérez Lino Zepek, mais sur où sont trop, je peux pas les citer. Sans vous, c'est niquer, mais on va tout niquer. Sans vous, c'est niquer, mais on va tout niquer. Demain, je vais voler. Après demain, je vais voler. Pénica a dit qui passe après qui pour ramener à dîner. Que des sourds dans la ville, demande pardon à Dieu. Sourire sincère sur les joues de mon fils. J'ai même pas, tu me critiques, tu t'affiches, je m'en y a mes sourds en défi. F pour le flow, 4 pour les sorties de peau, 3 comme Rafio, 0 poucap dans mon ghetto. Parti de la cave en passant dans le bendo. Quand je vois l'argent, ça fait bander. Entouré des miens que des trafiquantés. La route de fumée que du bon bédo. Jet numéro uno, descendeur 102 et demi. On veut pas le cheval de Troie, on veut celui de la Ferrari. On fait pas crari sur le parvis, on habite grave même sur Paris. Pénalise dès que la famille, sur ma vie signée laser me. Grosse table de cash, ça donne du pêche. Je repars en mimi, j'en ai marre, faut que je prie. Trop bon et le tèche, donc je roule et je pense à comment dépenser le fric. Si un jour j'avais le lion mis. T'as reconnu moi, had la 2MZ. Frérot, viens, je t'emmène. Igolou, boutin, Philippin. Sur le navire, on est plein. Si j'ai des données, je claque Gina, Gina. Igo, je te laisse Valentina, Gina. Quand on est là, tu pars China, China. Je veux le monde Chico, ouais, ouais, je veux les piller. Du haut de mes 17 piges, frère, je vais tous les plier. Trop souvent que j'ai mal à la tête. Pour ta dose, faut que tu passes à la thèse. Fais Bélec ici, c'est pas la fête. Et en ce moment, c'est trop souvent la hesse. T'es une grosse merde, joue pas le gangster. J't'ai mis à l'amende, j'ai vu ton gangster. Et tu joues les grands, ils appellent leur grand frère. C'est la hesse de tiens, enfile les grands frères. Paye nos cash, paye nos pôles lance-pierre. Corbeille, ça rap, gros, t'as pas à t'en faire. J'fous le feu en studio comme un concert. Si tu souhaites ma chute, moi j'te souhaite un cancer. J'suis pas fumeur, j'suis pas pluraliste. Pourtant, j'sais faire que des tabacs. Petite merde, tu finiras quand même sous mes semelles. Même si tu laisses pousser ta barbe, t'as niqué ton plan A. Pour de l'oseille, tu veux pas te faire plomber. T'es nu sur hanté par le dernier classe A. Donc laisse tomber ou sinon passe au plan B. Trop tendance à dormir dans la vie, faut se lever tôt, faut pas oublier. T'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, les bonnes manières, je les ai pas oubliées. C'est le monde, Chico, ainsi va la vie, fais tes bails, Igo. Mais pense à la mif, c'est le squad, mon gros, la débrouille à vie. Pose Igo, y'a ma squad. Pose tes chiens dans le bec, vite un téfumé blanche, les gros sons qui font mal, c'est normal que je pense. Pense à faire tes billets, respecte-toi, faut pas oublier. Même si tu tombes vite, faut avancer. Le zoo dans mon cœur, je peux pas l'oublier. C'est des belos, c'est ma squad. Que la famille dans le bot. Tu es le Fenda, je vais à Alicanta, l'île de l'attentat, retour dans le Benta. J'sais faire que le Taga, remonter de Malaga, chez Tana qui guapa. Déteste-moi, fais-moi un trip. Sors pour le flou, j'rentre après un trip. Bien marqué, j'suis pas. Illinois, j'vends, GD, Kang, F4, 30, que la mif, Kang.